Mes petits Bélous, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée assez spéciale. C'est les résultats du bac. Là, je suis juste devant mon ancien lycée, le lycée Saint-Exupéry de Marseille. Je suis un peu nostalgique. Donc là, on a tiré un élève au sort qui vient d'avoir son bac. Il est au courant de rien. On va lui faire passer une journée de folie. On va le mettre max. Suivez-moi. Oh, Bélous. Oh là là, sur 1800 ans. Déjà, ça commence bien. On vient d'avoir le bac, ta famille elle est contente. On est tous fiers de toi. C'est l'importance. Madame, je vous le prends. Toute la journée, je vous le ramène en train de prendre. Début de soirée. Tu as le verre ou pas? Non, je ne veux pas encore. Tu n'as pas le verre. Bon, on y va? Ça charbonne toute l'année, faut faire de la moula. Frérot, c'est carré, soit Cali de la Havana. Gros, je suis mal garé, c'est la rue à Baba. À 200 sur le jarret, on se donne rendez-vous chez Wawa. On a de la mala, la mala, mala, mala. Les petites, ça les rend malade. Tu devrais tenir ta nana. On tiendra jusqu'à manana. On fume dans le van. Cette année on va tout péter. Et Soso a eu son bac. Sartek la Famax. Sors lui un violet. Un survêt, une paire d'Air Max. Ouais, Soso a eu son bac. Sartek la Famax. Sors lui un violet. Un survêt, une paire d'Air Max. Ça charbonne toute l'année. Faut faire de la moula. Frérot c'est carré. Soit Cali de la Havana. Gros, je suis mal carré. C'est la rue à Baba. À 200 sur le jarret, on se donne rendez-vous chez Wawa. Ça charbonne toute l'année, faut faire de la moula. Frérot, c'est carré, soit Cali de la Havana. Gros, je suis mal carré. C'est la rue à Baba. À 200 sur le jarret, on se donne rendez-vous chez Wawa. Je suis dans la zone, la frappe dans les AirPods. La queue plate dans la poche, de la moula. Le frérot qui sort de tôle, ramène-lui deux, trois folles. Ouais frérot c'est carré, ce soir on va tout casser. Tel t'a quitté c'est dommage, trop de pigeonnage. Il a rayé sa Rolex, il s'est mangé en T-Max. Ouais Soso a eu son bac, ça avec la Famax. Sors-lui un violet, un survêt, une paire d'Air Max. Ça charbonne toute l'année, faut faire de la moula. Frérot c'est carré, soit Dali de la Havana. Gros je suis mal garé, c'est la rue à Baba. À 200 sur le jarret, on se donne rendez-vous chez Wawa. Ça charbonne toute l'année, faut faire de la moula. Frérot c'est carré, soit Dali de la Havana. Gros je suis mal garé, c'est la rue à Baba. À 200 sur le jarret. Qu'est-ce qui t'attend mon frère? C'est l'été.